Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc nous sommes toujours dans le Fusul, fi sirati ar-Rasul de l'imam ibn Kathir, Ismail ibn Omar, al-Dimashqi, rahimahullah, قال, hatta قال lahu abuhu Abu Quhafa. Donc jusqu'à ce que son père Abu Quhafa, donc le père d'Abu Bakr, lui dise, Ya bunay, araka tu'tiqu riqaban di'afa, falaw a'taqta qawman julda yamna'unak. Donc il dit, oh mon fils, je te vois libérer des esclaves faibles, qui sont pas de peuples puissants. Donc si tu libérais des gens forts, ils pourraient te protéger. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكَرَ إِنِّي أُرِيدُ مَا أُرِيدُ. Et Abu Bakr lui répondit, je veux ce que je veux. C'est-à-dire, je veux le faire pour Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est, je l'ai trouvé dans un sira de Ibn Hisham avec une chaîne faible qui contient quelqu'un de Mubham qui n'est pas cité. فَيُقَالُ إِنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِ. Et on dit que ça a été révélé pour lui, la parole d'Allah Azza wa Jal. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إلى آخر السورة ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Et on sera écarté le pieux, c'est-à-dire écarté de l'enfer, qui donne ses biens pour se purifier, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche du visage de son Seigneur le Très-Haut, et certes il sera bientôt satisfait. Donc ces versets, il a été dit qu'ils sont descendus pour Abu Bakr. Et Ibn Kathir cite que certains ont même dit qu'il y a une unanimité des savants du tafsir sur cela. Allahu alam, ça a besoin d'un dalil. Même s'il ne fait aucun doute qu'il est caractérisé par ce qui est dit dans ces versets. Et qu'il a secouru l'islam par sa vie et ses biens. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'avais cité précédemment. Et Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, il était connu de tous pour ses bons comportements et ses caractéristiques nobles. Et dans Sahih al-Bukhari, que Aïcha, radiyallahu anha, a dit qu'elle se souvient pas d'avoir vu ses parents sur autre que la religion, c'est-à-dire l'islam. Et il passait pas un jour sans que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vienne à la maison. C'est-à-dire voir Abu Bakr. Puis lorsque les musulmans ont été éprouvés, Abu Bakr est sorti faire hijra vers la Habasha, en tant que muhajir. Et il rencontra Ibn Darina, qui était un chef de tribu, et qui lui demanda où il voulait aller. Abu Bakr lui dit, mon peuple m'a chassé, et je veux parcourir la terre et adorer mon Seigneur. Subhanallah. Et Ibn Darina a dit, on ne chasse pas quelqu'un d'équivalent à toi. Et après, il a cité certaines de ses caractéristiques, qui ressemblent fortement aux caractéristiques que Khadija, radiyallahu anha, a cité au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est revenu avec les premiers versets de la grotte de Hira, avec les premiers versets de la sourate Iqra. Et il s'est chargé, Ibn Darina, de protéger Abu Bakr. Et il est allé parler à Quraysh en donnant sa protection à Abu Bakr. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte également dans son sahih que lors du pacte d'Al-Hudaybiyah, donc entre les kuffars de Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Urwa ibn Mas'ud vint parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit qu'il voyait devant lui des visages de gens prêts à s'enfuir et à le laisser. À laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire en parlant des sahaba qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abu Bakr al-Siddiq lui dit, Umsus bi badlillat anahnu nafirru anhu wa nada'u. Il lui dit, sus le clitoris d'Allat. Est-ce que nous allons nous enfuir et le laisser? Donc il lui a dit ça énervé, et ça c'est une phrase que les Arabes disaient en parlant de la mère, de la personne avec laquelle ils se disputaient dans la jahiliya. Et donc là il a utilisé avec Al-Lat, car ils avaient féminisé Al-Lat. Donc ça sous-entendait qu'elle avait les attributs que la femme a. Et donc il lui a dit ça, cette parole dure. Et il s'est retourné, il a dit c'est qui? Il a dit c'est Abu Bakr. Et il lui a dit donc, Urwa ibn Mas'ud, أما والذي نفسي بيدي لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. Il lui dit donc, par celui qui tient mon âme dans la main, si ce n'était pas que tu avais une main sur moi, que je ne t'ai pas rendu, je t'aurais répondu. Et ça montre que Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, avant l'islam et après, était connu pour le bien et faisait beaucoup de bien aux gens, au point qu'il avait fait des faveurs à des nobles de Quraysh, qui lui était redevable en ça, comme le prouve cette parole de Urwa ibn Mas'ud. Et ça, en arabe, on appelle ça une main sur la personne. C'est-à-dire que un tel, il a une main sur un autre, c'est-à-dire qu'il lui a fait une faveur, et donc que l'autre lui est redevable. Et avant de poursuivre, je voudrais citer aussi un hadith rapporté dans Sahih Muslim d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Bilal, dont on a parlé précédemment, Bilal qui était un esclave, et que Abu Bakr l'a racheté et affranchi, et qui se faisait torturer pour l'islam. Il lui a dit lors du Fajr, Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu indaka fil islam manfa'a, fa inni sami'tu al-laylata khashfan 'alayka bayna yadayya fil jannah. Il dit, oh Bilal, dis-moi, l'œuvre que tu as accomplie et dont tu espères le plus dans l'islam, de bénéfices, d'intérêt, car j'ai entendu cette nuit le bruit de tes chaussures devant moi au paradis. Et Bilal lui dit, j'ai pas fait un acte en islam dont j'espère plus de bénéfices que de m'être purifié parfaitement à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, puis d'avoir prié avec cette purification ce qu'Allah Azzawajal m'avait écrit, c'est-à-dire de, à chaque fois qu'il faisait le wudu ou le rusl, qu'il priait derrière. Et dans Muslim, d'après Jabir, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Uritu al-jannata faraitu imra'ata Abi Talha, thumma sami'tu khashkhashatan amami fa idha Bilal. On m'a montré le paradis et j'ai vu la femme d'Abu Talha. Puis j'ai entendu des pas devant moi et c'est alors que c'était Bilal. Et l'islam est la religion d'Allah azzawajal qui a créé tous les hommes. Et il n'y a pas de préférence sur aucune race. Au contraire des juifs qui donnent la précédence à leur race au-dessus des autres et qui sont le peuple élu. Et que les chrétiens pendant des siècles faisait passer la race blanche comme la race supérieure et méprisait les autres races. Allah Azzawajal dit dans son noble livre, Inna akramakum indallah yatqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La fadla li abyada ala aswad, wa la li aswada ala abyad, wa lakin bit taqwa. Il a dit, y a pas, le blanc n'a pas de mérite sur le noir, ni le noir sur le blanc, si ce n'est avec la piété. Et lorsqu'un homme dit à Bilal, Ya ibn Sauda, au fils de noir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Anta mru'un fika jahiliya » Tu es quelqu'un qui a encore de la jahiliya, des choses de l'époque pré-islamique. Et alhamdoulilah, l'islam élève les gens pour leur foi et leur taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun » Les pieux seront dans des jardins des délices auprès de leur Seigneur. Allons-nous faire des musulmans comme des criminels? C'est-à-dire, placerons-nous les musulmans au même rang que les criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Et nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qu'il y a entre eux, faussement, sans but, sans sagesse. Ceci est ce que pensent ceux qui mécroient. Alors malheur à ceux qui mécroient de l'enfer. Ou bien placerons-nous ceux qui croient et font les bonnes œuvres comme les corrupteurs sur terre. Ou bien placerons-nous les pieux au même rang que les pervers. Subhanallah. Donc ça, cette égalité entre le pieux et le pervers, ça c'est dans les sociétés occidentales qui glorifient les riches. La personne si elle est riche, ou la personne si elle est belle, ou la personne s'il fait quelque chose de connu, comme s'il fait du sport, il est footballeur, il est acteur, il est chanteur. Voilà les gens glorifiés. Et quant aux gens de piété, alors ça, ils n'en ont rien à faire. Et ça, ça concerne tout le monde. Et évidemment, si on prend la France, qui est un pays qui se revendique, quand ça l'arrange, catholique, et que vous prenez quelqu'un, par exemple un jeune, qui se dit catholique, et qui dit, moi, je veux pas forniquer. Vous les verrez se moquer de lui et l'humilier. Et s'il appelle à ne pas forniquer, ils se moqueront de lui également. Alors que c'est obligatoire aux chrétiens d'appeler à ça. Parce qu'il sait très bien que c'est interdit d'avoir des rapports hors mariage. Allah al-Musta'an. Donc ça, nous, c'est notre balance. Peser la personne. La piété et la foi. Et les actes font partie de la foi. La foi est croyance, parole et acte. Elle augmente avec les bonnes actions et diminue avec les désobéissances, les péchés. Voilà la parole de Al-Sunnah sur la foi. طيب قال ابن كثير رحمه الله فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه وتعالى في الهجرة إلى أرض الحبشة. Donc lorsque l'épreuve s'intensifia, Allah permit de faire hijra vers Al-Habasha, donc la Bissini. Et la hijra, donc c'est dans la langue arabe, Tark, c'est le délaissement. Et c'est dans le Shara'an, c'est Tark, Belad al-Kufr, ila Belad al-Islam. Délaisser les terres de mécréance vers les terres d'Islam. وَهِيَا فِي غَرْبِ مَكَّةِ Et c'était donc à l'ouest de Mecca. Donc Al-Habasha, c'est à l'est de l'Afrique. بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ Sahara, Soudan, ou le Bahr al-Akhid, min al-Yaman ila al-Qulzum. Donc il dit c'est entre le désert du Soudan, donc le Soudan, et la mer qui rejoint, qui lie le Yémen à al-Qulzum. Et al-Qulzum, ils disent en note, c'est une ville côtière sur la mer Rouge, proche de Alia et At-Tur. Donc la mer là dont il parle, bien sûr, c'est la mer Rouge, connue actuellement sous la mer Rouge. Et également, juste avant, dans les manuscrits de Al-Fusul, là, ils mettent en note qu'il y avait écrit en marge que celui qui a recopié le livre, il a lu à l'auteur, donc à Ibn Kathir, le 3 de Sha'ban 732, Hijriya. Et Ibn Kathir, rahimahullah, est mort en 774. Et il est né en 701. Donc il avait 31 ans lorsque celui qui a recopié le livre, il lui a lu donc ce qu'il avait copié à ce moment-là. 31 ans. Et ceci démontre que ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Ceci est la grâce d'Allah qui donne à qui il veut, et Allah est détenteur de l'immense grâce. Et les kibar, comme certains aiment bien le répéter, c'est pas par l'âge, ni par la blancheur de la barbe, mais Allah Azzawajal donne la science à qui il veut. قال فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه. Donc et parmi les premiers qui ont fui avec leur religion vers Al-Habasha est Othman ibn Affan. Car la hijra c'est légiféré et c'est obligatoire pour celui qui ne peut pas accomplir sa religion. ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et avec lui donc il y avait son épouse رقية, la fille du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. وتبعه الناس et les gens l'ont suivi. وقيل بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب ابن عمرو ابن عبد الشمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك. Et il a été dit que le premier qui a fait hijra c'est plutôt lui là, Abu Hatib ibn Amr ibn Abd al-Shams. ثم خرج جعفر ابن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وارضاهم وكانوا قريبا من 80 رجلا. Puis est sorti Ja'far ibn Abi Talib, donc le frère de Ali, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils étaient environ 80 hommes.